إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là on continue l'explication du chef au sujet de التحذير من البدع, l'avertissement contre les innovations. Et c'est le troisième point. Donc le chef dit ثالثا موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم ومنهجهم في الرد عليهم. Donc le chef, qu'est-ce qu'il explique? Il dit la position d'أهل السنة والجماعة vis-à-vis des مبتدعة, les gens qui font des بدعة. Et c'est quoi la méthodologie des gens d'أهل السنة en ce qui concerne la réfutation des gens de bid'ah. Comment ils réfutent les gens de bid'ah? Donc le cheikh il commence et il dit موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة. ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من موازنتها. وإليك نموذج من ذلك. Donc le cheikh il dit que أهل السنة والجماعة ils ont toujours réfuté les gens de bid'a et ils ont toujours dénoncé ce qu'ils faisaient de bid'a et ils les ont toujours empêchés de les répandre et de les propager. Et voici un exemple de cela. Donc il commence en citant quelques exemples. Il en a cité trois. Mais ce sont quand même des exemples très intéressants quand même. Le chef il dit, le chef il en a mentionné juste trois, mais on pourrait en mentionner des centaines en réalité, mais c'est juste pour donner quelques exemples. Donc il dit عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقلت له ما لك قال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith rapporté selon Umm al-Darda, elle dit que son mari est rentré, Abu Darda, et il était en colère. Donc sa femme lui a demandé qu'est-ce que t'as, et il a répondu par Allah, je ne reconnais rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, excepté qu'on prie en groupe. Et ça c'est à l'époque des Sahaba. C'est-à-dire, je ne reconnais rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, excepté le fait qu'on prie en groupe. Et ça c'était à l'époque des Sahaba. Alors imaginez, si c'était à l'époque, déjà les Sahaba commençaient à dire, on reconnaît presque plus rien de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait laissé. Imaginez aujourd'hui, 14 siècles après. Après le chef il a mentionné un autre exemple. عن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال ما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصاء، فقال فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، ويقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى إلى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قال يا أبا عبد الرحمن حصى أو نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتمحيد. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع حلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذا ثيابه لم تبل بارك الله فيك، وآنيته لم تكثر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج، رواه الترمذي. Donc ça c'est un hadith rapporté selon Amr ibn Yahya. Il a dit, j'ai entendu mon père me raconter selon son père, hein, il a dit nous étions assis à la porte de Abdullah ibn Mas'ud. Ok, et il y a quelqu'un qui est venu, hein, alors il dit Abu Musa al-Ash'ari est arrivé. Il a dit, est-ce que Abu Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, est-ce qu'il est sorti pour venir est-ce qu'il est sorti pour la prière déjà? Il a dit non. Alors il s'est assis avec eux. Jusqu'à ce que Abdullah ibn Mas'ud sorte de sa maison. Alors ils se sont levés pour partir avec lui vers la mosquée. Et il a dit, Abu Musa al-Ash'ari, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, j'ai vu quelque chose de très mauvais dans la mosquée tout à l'heure. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, si tu vis, tu vas le voir. J'ai vu des gens qui étaient à la mosquée, ils étaient tous en forme de cercle, assis en cercle. Et dans chaque... ils attendent la prière, ils étaient tous assis en forme de cercle, et ils attendent la prière. Et dans chaque cercle, il y a un homme. Et dans ses mains, il a des pierres, des petits cailloux. Et il dit aux autres, faites le takbir 100 fois, dites Allahu Akbar 100 fois. Alors les gens disent Allahu Akbar 100 fois. Et là, il dit Hallilu mi'a, c'est-à-dire dites la ilaha illallah 100 fois. Et là, les gens le disent 100 fois. Après, il dit, dites Subhanallah 100 fois. Alors les gens disent Subhanallah 100 fois. Après, il dit, pourquoi tu leur as pas ordonné de compter leurs péchés, hein? Et pourquoi tu les as pas garanti que s'ils font ça, Allah va rien perdre de leurs bonnes œuvres? Alors, ils sont partis, ils ont marché vers la mosquée, jusqu'à ce qu'ils arrivent et qu'ils voient un de ces cercles, hein? Alors il s'est tenu devant eux, Abdullah ibn Mas'ud s'est tenu devant eux et il leur a dit, qu'est-ce que je vous vois en train de faire en ce moment? Ils ont dit, oh Abba Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, on fait seulement utiliser des pierres pour compter les takbir, et les tahlil, et les tasbih, et les tamshid. On fait rien de mal, hein. Alors Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, pourquoi vous comptez pas vos péchés à la place, hein? Parce que si vous comptez vos péchés, je vous garantis que vous n'allez rien perdre de vos bonnes œuvres. Malheur à vous, ô Ummah de Muhammad. Comme vous êtes rapide à aller vers qu'est-ce qui va amener votre perte. Voilà que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore présents et ils sont en grand nombre. Et voilà ces vêtements qui sont même pas encore, yani, usés, décomposés, yani. Et voilà son verre ou, hein, un contenant qu'il utilisait pour boire, il n'est même pas cassé, hein. Alors par celui qui tient mon âme entre sa main, soit que vous êtes sur une guidance, ou sur une voie, ou sur une religion qui est plus guidée, qui est mieux guidée que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Donc il y a deux possibilités. Soit vous êtes mieux guidé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est pas lui qui vous a amené cette chose-là, ou soit que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. Il dit par Allah, يا أبا عبد الرحمن, on voulait uniquement faire quelque chose de bien. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a répondu, il a dit, et combien de gens veulent faire le bien, ils n'arrivent jamais à l'atteindre. Et ça c'est une excuse qu'on entend même aujourd'hui, que les gens disent, mais on n'a rien voulu faire de mal, on a une bonne intention, hein, إنما الأعمال بالنيات, hein, mais c'est pas suffisant d'avoir uniquement une bonne intention, il faut que nos actions soient en accord avec la sunna également, parce que sinon, elle n'est pas acceptée d'Allah. Alors Abdullah ibn Mas'ud il a dit, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, il nous a dit, il nous a informé qu'il y allait avoir des gens qui allaient sortir et ils vont lire le Coran et ça ne va pas dépasser leur gorge. Il a dit, je jure par Allah, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous faites partie de ceux-là, c'est-à-dire les Khawarij. Hein? Et par la suite, il s'est détourné, ça veut dire il s'est retourné et il est parti. Donc, Amr ibn Salama a dit, et on a vu que la plupart d'entre ceux-là, ils nous frappaient, ils nous combattaient le jour de An-Nahrawan avec les Khawarij. Et An-Nahrawan, c'est le jour de la bataille, ils appellent la bataille de Nahrawan, c'était contre les Khawarij. Donc, la plupart d'entre ces gens-là qui étaient sur cette bida, ils ont fini réellement avec les Khawarij, hein, parce qu'ils se pensaient meilleurs que les Sahaba. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire des adorations et se rapprocher d'Allah par des façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseignées. Hein? Donc ça c'est un bon exemple et on voit là-dedans, dans cet exemple-là, une réfutation des gens de bid'ah d'aujourd'hui également, qui font toutes sortes de bid'ah de ce genre et qui croient qu'ils font quelque chose de bien en faisant ces choses-là. Après le cheikh, il mentionne un troisième exemple, il dit, جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال من أين أحرم فقال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه فقال مالك لا أدري ذلك لا أرى ذلك فقال ما تكره من ما تكره من ذلك؟ قال أكره عليك الفتنة. قال وأي فتنة في الزيادة الخير؟ فقال مالك إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc cette histoire, c'est l'histoire qu'un homme est venu voir l'imam Malik, et l'imam Malik c'est l'imam d'Ar al-Hijra, c'est c'était l'imam de Al-Madina, Al-Munawwara, et il est venu voir l'imam Malik, et il lui a dit de quel endroit dois-je, à partir de quel endroit je dois porter l'ihram. Quand tu vas faire le hajj, tu as fait le hajj, Isa. Oui, alhamdulillah. À partir de quel endroit je dois porter l'ihram? Alors le prophète, alors l'imam Malik lui a répondu, tu dois porter l'ihram à partir du miqat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, et tu dois, c'est à partir de cet endroit-là que tu dois le faire, comme il l'a fait lui. D'accord? Et on sait que pour Al-Madina c'est Dhul Hulayfa. À partir de Dhul Hulayfa, c'est là que tu dois mettre ton ihram. Et l'homme a dit, et si je fais mon ihram, et si je mets l'ihram, et si je prononce l'ihram avant ça, hein? Parce que dans une autre narration de cette même histoire, l'homme voulait le faire à partir de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si je fais, je mets l'ihram à partir de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée, est-ce que c'est correct? Alors l'imam Malik a dit, je suis contre ça, c'est-à-dire tu dois pas faire ça. Et là l'homme a dit, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal du fait de rajouter quelques distances, yani? Ça dérange pas, il n'y a rien de mal, qu'est-ce que je fais, c'est quelque chose de bien. Alors l'imam Malik a dit, j'ai peur pour toi de la fitna, hein? Je crains pour toi la fitna. Alors l'homme a dit, et quelle fitna il peut y avoir dans le fait de faire une chose pareille? Alors l'imam Malik lui a répondu, il a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que celui qui contredit son ordre, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenne garde qu'une fitna l'atteigne ou bien qu'un dur châtiment tombe sur lui. Donc ça c'est une réponse à toute personne qui demande aujourd'hui, parce qu'on a souvent des gens qui posent des questions comme ça. Tu lui dis quelque chose, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au sujet par exemple de quelque chose qu'il considère comme étant une chose insignifiante. Certains musulmans, ils dénigrent certaines des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils vont dire, ah mais, porter des pantalons en dessous de la cheville, c'est pas grave. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma asfala min al-ka'bayn, fa fi an-nar, hein. Qu'est-ce qui est en bas de la cheville? C'est dans le feu. Alors eux, ils disent ça, c'est une chose, c'est pas grave, si je le fais, qu'est-ce que ça dérange? Hein? C'est quoi le problème? Donc, le prophète, Allah Ta'ala, il dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أي نعم، مفتونين سبحان الله. نعم. صحيح. صحيح الله المستعان. نعم هذا هو فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الكعبين ففي النار. فيعني هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. celui qui désobéit l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم il risque deux choses: d'avoir une fitna ou d'avoir un adab alim, un dur châtiment. Et le cheikh dit, وأي فتنة، quelle fitna est plus grande que de dire que toi tu as mérité quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu. C'est-à-dire, tu es arrivé à un bien, tu as fait un bien toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été capable d'atteindre. Ça, c'est pas une fitna, ça? Yani, subhanallah. A'udhubillah. Donc, le cheikh dit, هذا نموذج. وما زال العلماء ينكرون على المبتدع في كل عصر والحمد لله. Donc ça, le cheikh dit ça, c'est juste un exemple de certaines choses qui sont arrivées au temps des salafs. Comment ils ont réfuté à certaines personnes qui ont fait des bid'a à leur époque? Hein? C'est pas vrai que les sahaba, quand les gens faisaient quelque chose, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna, ils laissaient tout le monde faire ce qu'ils veulent. Comme certains musulmans aujourd'hui, qui disent, non, tu peux être, qu'est-ce que tu veux, c'est pas important. Dis pas salafi, dis pas chiite, dis pas sunni, dis pas khariji, dis pas ça, dis juste musulman. Et ils laissent les gens sur toutes les bid'a. Ça c'est une choubha, c'est une fitna pour les gens. Parce qu'au temps des sahaba, tout le monde était uni, une seule ummah. il n'y avait pas encore de bid'a. Mais quand les bid'a sont arrivés, là ils ont distingué les gens. Ils ont dit celui-là, il s'est dévié de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est sur une bid'a, il est soit jahmi, ou il est qadiri, ou il est yani khariji, ou une autre bid'a. Et donc c'était obligatoire de les distinguer. Et c'est comme ça qu'ils se sont distingués en s'appelant Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, Al-Salafiyya, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Athar, Ahl al-Hadith. Tous ces noms-là, c'était pour clarifier, pour rendre les choses claires pour les gens, pour pouvoir distinguer entre la vérité et le mensonge. Donc après le Cheikh il dit Manhaj Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, Fir Raddi ala al-Mubtadi'a. C'est quoi la méthodologie des gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans la réfutation des gens de bid'ah? شيخ ذي منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة وهو المنهج المقنع المفحم حيث يريدون شبه المبتدعة وينقضونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة. الشيخ يقول leur منهج dans ce sujet-là, dans la réfutation des gens de bid'ah, c'est basé sur le Coran et la Sunna. Leur منهج est un منهج qui est convaincant et qui grille les opposants. Il les laisse sans aucun argument et aucune façon de pouvoir répondre. Parce que ce manhaj est basé sur le fait qu'il présente les choubouhats des gens de bid'ah et il les détruit après. Avec les preuves du Coran et de la Sunna qui montrent l'obligation de s'accrocher à la Sunna et qui montrent l'interdiction de faire des innovations et des nouvelles choses dans la religion. Et les imams d'Ahl Sunna wal Jama'a ont écrit beaucoup de livres à ce sujet-là. Et dans ces livres-là, ils ont réfuté les croyances des Shia et les croyances des Khawarij, des Jahmiya, des Mu'tazila et des Asha'ira dans leur position au sujet de Usul al-Iman, les fondements de la foi et de la croyance. Et le Cheikh il dit ensuite وَأَلَّفُوا كُتُبًا خَاصَّةً فِي ذَلِكَ كَمَا أَلَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كِتَابَ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَأَلَّفَ غَيْرُهُ من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. Donc le cheikh il explique et il dit que les imams en particulier de Ahl al-Sunna wal Jama'a ont écrit beaucoup de livres, comme l'imam Ahmad par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle الرد على الجهمية. Il a réfuté les Jahmiyyah. Et également, d'autres parmi les imams ont écrit des livres de ce genre, comme Othman ibn Sa'id al-Darimi, il a écrit le livre qui est الرد على بشر المريسي, un autre des têtes des Jahmiyyah à son époque. Et al-Darimi, c'était un des grands imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et de même que l'imam Ibn Taymiyyah, il a écrit des centaines de livres pour réfuter les gens de bid'ah, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab également. Ils ont tous écrit des réfutations pour toutes ces gens de toutes ces sectes. Et ils ont également réfuté al-Quburiyya, ceux qui adorent les tombeaux et les awliya, soi-disant qui sont morts, ils les invoquent et ils les adorent dans leur tombe, ou les soufis qui font toutes sortes de bid'ah également, et toutes sortes de différentes façons d'adorer Allah qui ne sont pas basés sur le Coran et la Sunna. Ensuite, le Cheikh dit Amma al-Kutub al-Khafa, je veux dire à l'Ahl al-Bida'a, Fahiya Kathira, Minha al-Sabir al-Mithal, Mir al-Kutub al-Qadima, Kitab al-I'tisab, l'Imam al-Shatibi, wa Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Fakad istahraqa في الرد على المبتدعة جزءا كبيرا منهم, وكتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضاح لابن وضاح, Donc le cheikh il donne des exemples de livres qui ont été écrits par les imams de l'islam pour réfuter les gens de Bid'a et les gens qui suivent différentes sectes. Comme par exemple l'imam Shafi'i, un des imams de l'Andalousie, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-I'tisam. Et ça c'est un des très bons livres qui a été écrit contre les gens de Bid'a. Un autre livre qui s'appelle Iqtibas Sirat al-Mustaqim de l'imam Ibn Taymiyyah. Et ça c'est un de ses meilleurs livres. Et dans ce livre-là, il a pris un gros volume, le livre il a deux volumes, et le premier volume vraiment, et également le deuxième, et il réfute les gens de Bid'a là-dedans. Kitab Inkar al-Hawadithi wal-Bid'a, un livre dans lequel Ibn Wabbah a écrit la réfutation et le rejet des innovations dans la religion. Un autre livre également qui est mentionné, c'est Al-Hawadith wal-Bid'a, écrit par l'imam al-Turtushi. Ça c'est un des imams de al-Malikiyya. Un autre livre, c'est Kitab al-Ba'is ala Inkar al-Bid'a wal-Hawadith, écrit par un des chouyours qui s'appelle Abi Shama. Et le chef il dit, wa min al-Kutub al-Asriya, ça c'était les livres qui sont écrits dans le passé, maintenant il donne des exemples des livres qui sont écrits dans notre époque. Kitab al-Ibda' fi Madar al-Ibtida', écrit par le Cheikh Ali Mahfoud. Ça c'est un des chouyoukhs de l'Azhar. Kitab al-Sunan wal-Mubtada'at al-Muta'alliqat bil-Azkar wal-Salawat, écrit par Muhammad ibn Ahmad al-Qushayri al-Hawamidi. Un autre livre également qui parle contre les bid'a. Risalatun al-Tahdir min al-Bid'a al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. Ibn Baz, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il a écrit un petit livre qui s'appelle L'avertissement contre les bid'a. Et c'est un livre qui est distribué régulièrement et c'est très bénéfique, mashallah. Cheikh dit wa la yazal ulama al-muslimin walhamdulillah yunkirun al-bid'a wa yaruddun ala al-mubtadi' min khilal al-suhuf wal-majallat والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات مما له كبير الأثر وتوعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. Donc le cheikh il dit, et les ulama des musulmans, alhamdulillah, ils continuent toujours à réfuter et à dénoncer les innovations et à réfuter les gens de bid'a par les journaux, par les magazines, par les radios, par les discours de vendredi lors des khutab et des conférences et des conventions, etc. Et ça a un grand effet et ça aide à guider les musulmans et à détruire et à humilier les bédas, à rabaisser les bédas et les gens qui font les bédas également. Quatrièmement, le chef il dit « Bayanu namuzaj min al-bida' al-mu'asira ». Donc là, le chef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner certains exemples de certaines bédas qui sont pratiqués actuellement à notre époque. Le cheikh il dit al-bid'a al-mu'asira kathira bihukm ta'akhur al-zaman wa qillat al-'ilm wa kathrat ad-du'at ila al-bid'a wal-mukhalafat wa siryan at-tashabbuh bil-kuffar fi 'adat al-muslimin wa tuqusihim misdaqan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Donc le cheikh il dit les bid'a actuellement dans le temps actuel sont nombreuses, étant donné qu'on est vers la fin des temps. Le temps est, on est dans un temps très éloigné de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et étant donné qu'il y a moins de science disponible, et qu'il y a beaucoup de gens qui appellent aux bédas et aux contradictions, et que les gens suivent beaucoup plus rapidement les exemples des koufars et leurs traditions, donc à cause de tout ça, c'est normal qu'il y ait plus de bid'a qu'avant. Et avec la télévision, les satellites et tout ce qui est arrivé maintenant dans le monde musulman, c'est encore plus rapide que jamais auparavant. Le cheikh il dit, et ça confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit, et vous suivrez les exemples des gens qui ont vécu avant vous, les autres peuples avant vous. Les juifs et les chrétiens et les perses et les autres peuples qui se sont égarés. Le cheikh dit, نذكر هنا ثلاثة من أهم البدع المعاصرة وهي الاحتفال بالمولد النبوي والتبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك والبدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. Donc le cheikh dit, on va mentionner quelques exemples de certaines des plus importantes parmi les bédas dans le temps présent. Et ce sont les bédas du Mawlid, et ça c'est il va en mentionner trois exemples. La première c'est l'ihtifal bil Mawlid al-Nabawi, la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième c'est at-tabarruk bil amakin wal asar wal amwat wal nahw dhalik, de chercher la bénédiction dans les endroits. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De chercher la bénédiction dans des endroits et dans des monuments. Ouais, des vieux monuments auxquels on donne une valeur pour une raison quelconque, une importance spirituelle, ouais, à cause de, qu'on prétend par exemple qu'un homme saint avait prié à tel endroit, ou un miracle s'était produit à tel endroit, ou quelque chose où le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple a prié à un endroit particulier, donc il donne à cet endroit-là une valeur particulière, hein. Et on va en parler encore durant le dars, inshallah. Et le troisième point, c'est les innovations qui sont faites dans les formes d'adoration. D'accord? Donc, le cheikh, on commence avec la première exemple. Al-ihtifal bi munasabat al-mawlid al-nabawi fi rabi' al-awwal. Donc, le cheikh, il dit, la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de rabi' al-awwal. C'est un des mois du calendrier musulman. 12, oui c'est ça, il dit, le frère il dit 12, c'est-à-dire le 12, ouais, le 12 du Rabi' al-Awwal, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, « Mimma sara fil muslimina fi hadha al-asr, wa ma sabakahu min al-asar, min al-tashabuhi bil-kuffari wa al-tashabuhi bil-nasara, fi amal ma yusamma bil-ihtifal al-mawlid al-nabawi. يحتفل جهلة المسلمين أو علماء المذنبين في ربيع الأول في كل من كل سنة مناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك ويحضره جموع أو جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بالمولد المسيح عليه السلام. الشيخ يقول parmi les choses qui sont répandues maintenant parmi les musulmans dans cette époque et qui n'a pas été fait dans les premiers temps, yani du temps du prophète, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani c'est l'imitation des kuffars et l'imitation des chrétiens dans l'action qui nous appelle la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parmi les ignorants, parmi les musulmans et les soi-disant ulama qui sont déviés, comme les soufis et d'autres, ils se réunissent durant le mois de Rabi' al-Awwal, le 12 du Rabi' al-Awwal, à chaque année pour célébrer ce qu'ils appellent la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Parmi eux, il y en a qui font cette fête-là dans la mosquée, et d'autres qui le font dans la maison, ou dans des endroits spécifiques préparés pour ça. Et ceux qui assistent à ces fêtes-là, en général, ce sont des gens ordinaires parmi les musulmans, qui ne sont pas toujours éduqués, et ils font ça pour ressembler aux chrétiens, dans le fait que les chrétiens, eux, ont fêté la fête du prophète d'Allah, Isa ibn Maryam. Et bien entendu, les musulmans qui fêtent le Mawlid al-Nabawi, ils disent pas qu'ils font ça pour imiter les chrétiens, sauf que ils imitent les chrétiens, qu'ils le veuillent ou non. Hein, parce qu'on sait que c'est les chrétiens qui fêtent la fête de Isa, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça, ni les sahaba, il n'a jamais ordonné aux sahaba de le faire non plus. Donc le cheikh dit « والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات كإنشاء القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الاحتفالات. Donc le cheikh il dit la plupart du temps ces fêtes là sont en plus d'être une bid'a, en plus d'être une bid'a, elles sont faites avec toutes sortes de choses qui réunissent des formes de shirk et des formes de péché qui sont interdites dans l'islam. Comme par exemple le fait que lors de ces occasions là ils commencent à chanter des poèmes, qu'est-ce qu'ils appellent madaih, une sorte de chanson pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, le problème c'est que ces chansons et ces poèmes qu'ils chantent, ils sont remplis d'exagérations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se mettent même à l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à lui faire des doigts et à chercher le secours en lui. Comme on a donné souvent l'exemple de Al-Busayri dans son poème Al-Burda. Dans ce poème-là, il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam des attributs divins, de connaître Al-Ghayb et de connaître ce qui est dans Al-Lawh al-Mahfouz. Et il donne également au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne l'attribut que c'est lui qui va les sauver au jugement dernier ou des choses de ce genre. Et il lui demande l'aide et le refuge. Donc ça c'est des actes de shirk, de demander des choses comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède la connaissance de l'invisible, de l'inconnu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a interdit les musulmans d'exagérer dans la glorification de sa personne. Il a dit n'exagérez pas à mon sujet en me glorifiant comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus fils de Marie. Alors si vous parlez de moi, sachez que je suis uniquement un esclave ou un serviteur d'Allah. Alors dites Abdullah wa Rasuluhu. Donc ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'exagérer. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de musulmans lorsqu'ils font quand ils envoient les saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rajoutent dans le salam, ils rajoutent Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et ça n'a jamais été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Sayyidina, ni les sahaba. Ça a été rajouté par la suite, et c'est pour ça que beaucoup d'ulama ont interdit de rajouter quoi que ce soit dans le salam, et même dans le tashahud. C'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. On ne rajoute pas dedans Sayyidina. Parce que ça c'est les soufis qui rajoutent ça, et ça c'est pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déteste qu'on le glorifie trop de cette façon. Sayyidina est notre maître, tu vois, donc il faut éviter de dire ça, même en dehors de salat. Et le cheikh il dit « ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات » الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها الاختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. Donc le cheikh dit, et parmi les choses qui sont interdites, qui se produisent durant ces fêtes-là, il y a le fait que les gens chantent des formes de anachid, que qu'ils appellent anachid, ce sont des chansons, et ils se mettent ensemble et ils chantent des anachids en groupe, avec des différents tons de voix, et même parfois même en canon. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des canons. fait des... Non, non. Les canons, c'est que un groupe commence à chanter la chanson, puis l'autre il suit, mais un temps après. Et donc ça fait comme une sorte de décalage. Puis là, ils font toutes sortes de trucs comme ça, et parfois même ils vont taper le tambour, et puis ils vont faire ça, et ça, ça fait partie des exemples de dhikr des soufis. Et ça, c'est des choses, ça rentre dans la bid'a. Et parfois même, il y a un mélange entre les hommes et les femmes. Et ça, ça amène beaucoup de fitna, et ça peut même amener à la présence de toutes sortes de perversités dans la mosquée. Pas dans la mosquée, mais à l'endroit où ils fêtent ces fêtes-là. Donc, on continue dans l'exemple de Al-Mawlid, il dit, حَتَّى لَوْ خَلَى هَذَا الْإِحْتِفَالِ مِنْ هَذِهِ الْمَحَذِيرِ واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون فإنه بدعة محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il dit, même s'il n'y avait rien d'autre dans cette fête, le fait de fêter la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'y avait rien d'autre des choses interdites que les gens font à part le fait de faire à manger et de se réjouir, eh bien ce serait déjà suffisant comme bid'a, tu vois, parce que toute bid'a c'est une innovation, et toute innovation c'est une bid'a, et toute bid'a c'est un égarement, hein. Donc c'est pas nécessaire que c'est pas uniquement parce que des gens pourraient dire, ah mais c'est haram parce qu'il y a des péchés, il y a des choses qui sont faites là-bas, c'est pour ça que c'est haram. Non, même s'il n'y a pas de péché, même si les gens font pas de chansons, ou font pas de mélange entre les hommes et les femmes, des choses comme ça, le simple fait que les gens fassent cette fête-là, et qu'ils mangent, et qu'ils se réjouissent en ce jour-là particulièrement, et qu'ils prennent ce jour-là comme un jour de fête, et bien ça suffit pour être mauvais, et pour être haram, parce que c'est une innovation. Et toute innovation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation, toute bid'a est un égarement. Wa aydan huwa wasilatun ila an yatatawwar ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. Et donc, le cheikh il dit, c'est un moyen qui peut amener également à l'évolution de ces fêtes-là, et que ça va commencer à dégénérer comme les autres fêtes, et ça va commencer à produire toutes sortes de péchés et d'égarements. Donc, nous les musulmans, on a deux fêtes, et c'est la fête de Al-Aïd, Al-Abha, et Al-Aïd, Al-Fitr. Et ces deux fêtes-là sont nos fêtes, et c'est les seules deux fêtes qu'on a dans l'islam. Donc, on doit se limiter à ça. Le cheikh, il dit également, wa qulna, innahu bid'ah, li'annahu la asla lahu fil kitab wa sunnah, wa amal al-salaf al-salih wa al-qurun al-mufaddala, wa innama hadatha muta'akhiran, ba'd al-qarn al-rabi' al-hijri, ahdathahu al-fatimiyun al-shi'a. Donc, le cheikh, il dit, qu'on dit que c'est une bid'a parce que ça n'a pas de fondement, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et ni dans les pratiques des salaf al-salih et des trois premiers siècles préférés. Et c'est une chose qui a été inventée très tard, par la suite, vers la fin du 4e siècle hijri, et c'est les Fatimiyoun, les gens de la secte des Fatimiyya, c'est-à-dire c'est une des sectes des Ismailiyya. Une des sectes qu'on appelle parmi les sectes ésotériques, qui ont défié de l'islam, les Ismaélites. Et eux, à cette époque-là, ils contrôlaient l'Égypte. Et on a appelé leur empire l'empire fatimide. Il y avait également au nord de l'Afrique, de l'Algérie, la Libye, la Tunisie, et l'Égypte étaient contrôlés par ces gens-là. Au nord de l'Afrique, c'était Al-Ubaydiyya. On les appelait Abdoula Al-Ubaydiyya. Et ça, c'est des gens qui ont quitté l'islam parce qu'ils sont des anadiqas. Après, le cheikh il dit, ils se font passer pour des chiites, alors qu'en réalité, ils sont en dehors de l'islam. Ils ne sont même pas des chiites. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de leur égarement. Le cheikh il dit, ils ne croient pas au Coran, ils ne croient pas au Coran, ils ne croient pas à la Sunna, ils ne croient pas à Allah. Non, l'Ismaïliya, ils ne prient pas dans les mosquées des Ahl-Sunnah. Ils ont leur propre mosquée, ils ne prient même pas. tu connais les agarans? Parce que les Oumanites, c'est pas la même chose, c'est les Ibadiyas, toi tu parles des Ibadiyas. Non, c'est pas eux. Ouais, mais Agarhan n'est pas mon gars aujourd'hui, il est d'origine indienne, je crois, ou je sais pas d'où, là. Mais ça, c'est comme les Agarhan, ouais. Ils sont pas des musulmans, ces gars-là. Hein? C'est des gens déviés. Vous pouvez chercher des informations sur eux, vous allez voir. Des gens, ils croient pas en rien, ils disent qu'il y a rien qui... Al-Waqi'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le Coran, il a un sens apparent et un sens caché. Et tu peux pas connaître le sens caché, excepté si t'es initié par leur, avec eux. Donc, une fois que tu rentres avec eux, ils vont te dire, tout ce qui est halal, tout ce qui est haram, c'est halal. Et il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. La prière, c'est pas la salat, c'est pas qu'est-ce que les autres font. Et c'est pas qu'est-ce que le jeûne, c'est pas qu'est-ce que les autres font. Ça a une autre signification cachée. C'est seulement nous qui le savons. Et ils croient pas en Allah, ils croient pas en le paradis, ils croient pas en l'enfer. Ismaïliyoun. On les appelle Al-Batiniya. Hein? Ils sont un peu partout. Il y en a en Inde, il y en a en Afrique, il y en a au Liban. Non, en Algérie, je pense pas qu'il y en a. Non. Non, c'est ça. Il y a les Druzes, il y a les Nusayriyas, et ils sont surtout dans les coins comme la Palestine, le Liban, ces coins-là. Hein? Mourabitoun? Non, Mourabitoun, ça c'est où? C'est au Maroc. Parce que le Mourabitoun, c'est des soufis. C'est des soufis, hein. Non, il y a le site Mourabitoun, c'est des sororis, hein. Ouais, c'est des gens de sororis, hein, takfir et tout. En tout cas, ouais, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont inventé la bid'ah du Mawlid à leur époque. C'est à leur époque que ça a été inventé, bien longtemps après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, non, ça, c'est les Fatimides, les Fatimides, c'est en Égypte. Comment on les appelle au Maroc? Fatimides? Ah, peut-être, oui, parce que c'est eux qui ont construit l'Azhar, c'est eux qui ont construit toutes les dômes sur les tombes, là, c'est eux qui ont construit, qui ont établi ça. Allez, c'est des gens dans l'alien. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est des gens qui adorent les tombes et tout, là. Et après, le cheikh, il dit, قال l'imam Abu Hafs Taj al-Din al-Fakahani, الفاكهاني رحمه الله أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الدين وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا فقلت وبالله التوفيق ما أعلم لهذا المولد أصلا في الكتاب في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها الباطلون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. Donc ça c'est les paroles de cet imam, il dit qu'on m'a demandé au sujet de cette réunion-là que les gens font et qu'ils appellent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, est-ce que ça a un fondement dans la religion? Alors il a répondu, il a dit, le cheikh Al-Fakihani, il a répondu, il a dit, je ne connais pas à cette fête qu'on appelle Al-Mawlid aucune origine, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et ça n'a pas été rapporté qu'aucun parmi les ulama de la Ummah, qui sont un exemple de la religion, qui l'a fait. Et ceux qui s'accrochent au Athar, au Hadith, au Coran et à la Sunna, parmi les premiers musulmans, les premiers ulama, ils n'ont jamais fait ça. Donc c'est une bid'a qui a été inventée par les gens qui suivent l'égarement et le mensonge, et c'est les gens qui font ça, c'est ceux qui aiment yani, qui en profitent, c'est ceux qui aiment manger beaucoup yani, parce que on fait dans ces fêtes-là beaucoup de nourriture, donc eux ils en profitent yani, juste pour se remplir le ventre, et c'est un prétexte yani, pour manger, donc ça n'a rien à voir avec l'islam yani. Et après il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مباحة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطلا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان وهذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il a expliqué clairement la question. Il dit que ce que les gens ont inventé, soit pour copier la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'on appelle Noël aujourd'hui. Donc il y a des musulmans qui ont voulu imiter les chrétiens, puisque les chrétiens fêtent Noël pour fêter la naissance de Jésus, ils ont dit bon nous aussi on va montrer qu'on aime notre prophète. Donc on va faire la fête du Mawlid al-Nabawi, hein, pour montrer que nous aussi on aime notre prophète. Et ça c'est une bid'a, donc on n'a pas le droit de le faire. Et le cheikh il dit, ou soit pour montrer qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont un respect pour lui, et il dit ça, de prendre ce jour-là comme une fête, malgré qu'on a des différences d'opinion, hein, tout le monde sait qu'il y a des différences d'opinion entre les ulama sur la journée exacte de sa naissance, les historiens ils s'entendent pas sur ce jour-là. Il dit, aucun des salafs ne l'a fait, les sahaba n'ont jamais fait ça, ni les tabi'in, aucun d'entre eux n'a jamais pris un jour spécifique de l'année pour dire on va fêter la fête de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et eux sont khayrul qurun, khayrul nasi qarni, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc comment tu vas dire toi, tu viens après eux puis tu dis moi je vais faire quelque chose que eux n'ont jamais fait. Il dit quoi le chef? Il dit que les salafs ne l'ont jamais fait. Et s'il y avait un bien là-dedans, eh bien les salafs l'auraient fait avant nous. Si c'était vraiment bien, les salafs l'auraient fait avant nous, parce qu'ils aimaient plus la vérité que nous. Ils étaient plus sincères et plus forts dans leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans leur respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Hein? Les sahaba, juste pour vous donner un exemple, dans une des batailles, si je ne me trompe pas, c'est la bataille de Uhud, lorsqu'un des mouchriquins envoie une flèche pour atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi, qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant la flèche pour prendre la flèche à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc est-ce que quelqu'un d'entre nous... sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment on peut nous prétendre aujourd'hui qu'on vient aujourd'hui, on aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les sahaba, donc on va fêter sa fête et on va se rappeler le jour de sa naissance. Exactement. Non, c'est vrai. Salam alayhi wa sallam. Non, c'est ça comme le frère dit, s'il y avait du bien là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit aux sahaba, lorsque je serai mort, chaque année fête la fête de ma naissance. Mais il n'a jamais dit ça. Alors s'il n'a pas dit, pourquoi nous on le fait? Bid'a, kullu bid'atin dalana. وما نهاكم عنه فانتهوا نعم exact c'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de ma religion, elle sera rejetée. Même si tu penses que c'est quelque chose de bien. Hein? On fait comme baraka. Donc c'est ça que le cheikh il a expliqué, et en général donc, il nous montre que les sahaba, ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous, et donc eux ils l'ont pas fait, donc on doit se limiter à qu'est-ce qu'ils ont fait eux. وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة وهو علاوة على كونه بدعة تشبها فإنه يجر إلى إقامة مواليد أخرى كمواليد الأولياء والمشايخ والزعماء فيفتح أبواب شر أبواب شر كثير. الشيخ يذكر il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour réfuter cette bid'a-là, et en plus d'être une bid'a, c'est une forme de tashabbuh, hein, c'est une forme de ressemblance au kuffar, et ça amène à ouvrir une porte pour ceux qui veulent fêter les fêtes d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, la fête de la naissance des shuyukh soufiya, et des awliya, et des salihin, et des choses de ce genre. Et c'est ce qu'ils font, yani, chaque année, dans chaque ville où il y a un homme saint qui est décédé, ils vont à sa tombe lors de sa naissance et ils font une forme de maulid pour lui. Donc ça, c'est une porte qui est ouverte à cause de l'exemple, yani, qu'ils suivent en faisant cette bid'a, yani. Donc ça amène beaucoup de mal. Après, le cheikh, il donne comme exemple, la bid'a de at-tabarruk bil amakin wal athar wal ashkhas. Ahya'an wa amwatan. Il dit que le fait que des gens cherchent de la baraka dans des endroits ou dans des monuments ou dans des personnes, qu'ils soient vivants ou morts, ça c'est une bid'a. Et le cheikh dit at-tabarruk talab al-baraka wa huwa thabat al-khayr fi al-shay wa ziyadatuhu wa talab thubut al-khayr wa ziyadatuhu. وإنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه وهو الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينزل البركة ويثبتها أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها. لشيخ الذكر التبرك كيف تفسير الأنجاب فبدأ دماغي البركة إيه البركة سي de faire rester quelque chose, de faire rester le bien dans une chose, que le bien demeure dans cette chose-là et qu'elle augmente, ok. Et puis quand il y a une baraka dans quelque chose, eh bien, ça veut dire que souvent quand il y a une baraka dans une chose, même s'il y en a peu, ça amène beaucoup de bien, hein. C'est comme par exemple quand on dit quand une nourriture il y a une baraka dedans, une bénédiction dedans, c'est que tu en manges peu mais ça te remplit. Hein, ça suffit à beaucoup, ça suffit pour beaucoup de personnes. Hein, donc ça, on dit qu'il y a une baraka là-dedans. C'est juste un exemple. Et donc, quand tu demandes la baraka, c'est comme si tu demandes que le bien reste dans une chose et qu'il augmente. Et la personne qui possède la capacité de mettre une baraka dans quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui met la baraka quelque part et c'est lui qu'il a fait rester ferme dans cette chose-là. En ce qui concerne la créature, elle n'a pas la capacité de donner la baraka ou de la créer, ou de la garder, de la préserver dans une chose. فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. Donc, التبرك, quand tu cherches la baraka dans les choses, dans les endroits, ou dans les monuments, ou dans les personnes, qu'ils soient vivants ou morts, il dit ça, c'est pas permis, c'est haram. Non, il dit, non, il dit, il y a deux possibilités, que ce soit shirk. Soit shirk akbar ou shirk asghar. Shirk akbar, ça va être shirk akbar qui fait sortir de l'islam complètement si tu crois que la chose en elle-même peut te donner la baraka, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça devient shirk. comme des gens par exemple qui pensent qu'un arbre en particulier ou un objet en particulier peut donner une baraka indépendamment d'Allah, seulement en le touchant. Donc par exemple ce minbar, tu dis, ah, il y a un homme pieux qui a monté dessus, donc il a mis sa baraka là-dessus, donc je vais le toucher, et juste en le touchant, je vais en recevoir un peu de cette baraka du minbar. Ça, c'est shirk. Non, ça c'est surtout chez les soufis, on retrouve ça. Et je me souviens même à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je voyais des gens qui faisaient des films pour prier à un endroit en particulier. Et les gens se tiennent en ligne, et là il al-Madina al-Munawwara. Non, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils se tiennent en ligne, et là il y a un endroit, là la personne elle se met là et elle fait deux rak'at. Et quand elle a fini, l'autre personne elle passe, elle est derrière, elle passe, elle fait deux rak'at, et l'autre personne elle s'en va. Ils font ça un après l'autre. Non, c'est à un endroit où il y a comme une sorte de clôture là, c'est juste en avant, pas loin de Rauda. Hein? Pas loin de Rauda. Mais les gens, Rauda c'est là de faire salat là-bas. Mais par contre, c'est, ouais, Baina Mambari wa Baiti, Rawdatun min Riyad al-Jannah. Oui, ça c'est, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est vrai, mais eux ce qu'ils font c'est pas là, c'est à côté. Il y a un endroit, il y a un sort de mihrab à cet endroit-là, et ils croient que ça c'est l'endroit, que c'était l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Mm-hmm. Mais ça, il va le mentionner, le cher. Non, non. Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est ça. Pour tout le monde. Oui, oui. Et elle, il parle de ça après. Mais je voulais juste donner un exemple pour vous faire voir quelques exemples. Comme par exemple, dans certains pays musulmans, s'il y a un homme saint qui est mort à un endroit, ils l'ont enterré, ils ont bâti sur sa tombe une zawiya, ou bien, un sanctuaire ou un dôme, hein, un kubba. Là, il y a un arbre qui a poussé à côté de sa tombe. Bon, ils pensent que cet arbre-là, il a une baraka aussi. Hein, s'il y a une petite source d'eau à côté, ils pensent que c'est de l'eau bénite. Donc, tout ça, c'est un exemple qu'ils croient que les gens, ils pensent qu'il y a une baraka. S'ils pensent que ces choses-là donnent la baraka, ça c'est un shirk, c'est un exemple de shirk. Mais s'ils croient que, c'est un, comme si par exemple, ça c'est shirk akbar. Shirk asrar, c'est quand c'est un moyen qui n'est pas shirk en lui-même, mais qui peut t'amener au shirk. Et le shirk il dit, إِنَا أَتَقَدَ أَنَّ زِيَارَتَهُ وَمُلَامَسَتَهُ وَتَّمَسَّحْ بِهِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا مِنَ اللَّهِ. C'est-à-dire, tu penses pas que ça donne la baraka en lui-même, mais que ça peut être une cause que Allah, ou que tu penses pas que ça donne la baraka lui-même, mais que c'est un moyen qu'Allah a mis là pour accéder à cette baraka. Donc ça c'est shirk asghar. Parce que c'est pour dire que cette chose-là donne une baraka, et que Allah a fait de cette chose-là un moyen pour avoir la baraka, il faut avoir une preuve de kitab ou sunnah. Si t'as pas une preuve du Coran ou de la sunnah qui prouve que cette chose-là donne une baraka, et qu'Allah a fait de cette chose-là un moyen pour accéder à une baraka, donc si tu n'as pas de preuve, donc c'est une forme de shirk, et c'est une bid'a, forme de shirk asghar. Après le shirk, il dit, mais le professeur Hassan m'a dit, entre mon minbar et ma maison, c'est un jardin, parmi les jardins du paradis. Rawda min Riyad al-Jannah. Donc, c'est ça qu'il a dit le professeur Hassan à ce sujet-là. Après, il dit, ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فطر من جسمه صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجراته وقبره بعد موته. الشيخ بيان في concerne les Sahaba, ce qu'ils faisaient en cherchant la bénédiction des cheveux du prophète صلى الله عليه وسلم et de sa salive ou de ce qui est ou des parties de son corps. Ça, c'est des choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Parce que les sahaba, ils ne prenaient pas la baraka ou ne cherchaient pas la baraka de sa maison ou de sa tombe après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, t'as pas vu les sahaba faire des choses de ce genre comme les gens font aujourd'hui, essayer de frotter les murs, de toucher les murs de la maison d'Aïcha ou de frotter les murs de le minbar ou les portes de la mosquée pour essayer d'avoir de la baraka. Ça fait pas partie des actions des sahaba. ولا يكون ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبرك بها. Ils ne cherchaient pas à trouver les endroits où le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait la salat, où il s'était assis à un tel endroit, où il avait fait quelque chose à un endroit particulier pour aller chercher la baraka. Ils ne faisaient pas ça les sahaba. وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى. Et de même que les endroits où les soi-disant أولياء, les hommes pieux et les salihins ont fait des choses, à plus grand droit, parce que d'ici, si on ne peut pas faire ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ceux qui sont moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a encore moins le droit de le faire avec eux. Hein? Exactement. Exactement. L'arbre où les sahaba avaient donné le bay'ah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab l'a fait couper pour éviter que les gens justement fassent du shirk avec cet arbre, hein, et cherchent la baraka dans cet arbre. La même chose, comme quand les sahaba, certains d'entre les sahaba qui étaient nouveaux dans l'islam, ils sont passés devant l'arbre, comme les mouchriquins avaient un arbre où ils accrochaient leurs arbres. Leurs armes pour donner une force à l'arme. Ils ont dit, certains d'entre eux ont dit, donne-nous un arbre, ya Rasulullah, comme les mouchriquins ont un arbre, nous on va mettre nos armes là-dessus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que vous dites là, c'est la même chose que le peuple de Moïse ont dit à Moïse, fais-nous une divinité comme ces gens-là, les mouchriquins, avaient des idoles. Donc, il s'est mis en colère à cause de ça. Donc, c'est un exemple. Après, le chef il dit, ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة. الصحابة يشرشوا لا بركة لهم كثير parmi les صحابة comme par exemple أبو بكر وعمر وعثمان. Ils couraient pas après eux pour toucher leurs vêtements ou pour chercher le baraka, comme certains musulmans font maintenant dans certains pays quand ils voient quelqu'un qui soi-disant fait partie des أشراف, descendants du prophète صلى الله عليه وسلم. Ils croient que ces gens-là ont une capacité de donner une bénédiction. Donc ils s'en vont vers eux et ils les touchent, ils essaient de les toucher, parce qu'ils croient qu'ils possèdent soi-disant une baraka en eux. Alors que les sahaba, ils ne faisaient pas ça avec les Abu Bakr, Omar et Osman. Hein? Après, il dit, là, c'est le hayat, voilà, par le monde. Ils ne faisaient pas ça quand ils étaient vivants, et ils ne le faisaient pas également, même après leur mort. وَلَمْ يَكُونُوا يَذْهَبُونَ إِلَى غَارِ شِرَى لِيُصَلُّوا فِيهِ أَوْ يَدْعُوا. Les sahaba n'allaient pas à la caverne de Hira, là où le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu la première révélation. Comme certains musulmans aujourd'hui font, lorsqu'ils vont à Mecca pour le Hajj, ils vont à la caverne de Hira. Et là, ils croient que visiter cet endroit-là, c'est quelque chose. Et il y a plein d'endroits, si vous allez faire le Hajj à Mecca ou à Medina, il y a des personnes qui se tiennent là avec des voitures au bord de la mosquée, et ils vous appellent pour, soi-disant, faire qu'est-ce qu'ils appellent ziyara. Il y a une ziyara, ziyara. Donc ils amènent tous les gens pour aller visiter des endroits, et beaucoup de ces endroits-là sont des endroits de bid'a. Donc c'est pour ça que c'est très important de demander aux ulama c'est quoi les endroits à visiter qui sont dans la sunna pour que vous dites à ces chauffeurs là nous on veut pas aller à tel endroit ou à tel endroit parce que c'est pas ça qui fait partie de la sunna. Vous allez aller prier à Quba comme le prophète a fait, vous allez visiter Uhud, pour des choses de ce genre, mais vous n'allez pas aller à d'autres endroits où c'est pas sunna d'y aller, de visiter ces endroits là. Non, parce que il y a Hamza qui a été enterré là-bas, puis des choses comme ça. Donc tu peux faire dua pour demander à Allah la bénédiction pour eux ou des choses comme ça. Mais c'est pas obligatoire, bien entendu, d'y aller. Après, ok. ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا إذا لقى على مونتاين دو طور لا أو الله أطهل إلى موسى ليصلوا فيه بفاد دعاء وبطخي أو إلى غير هذه الأماكن من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء وغيرها وإلى مشهد بني علي أو أثر بني نبي من الأنبياء Ils n'allaient pas à les endroits également dans les montagnes ou les endroits où soi-disant un prophète a été enterré ou des choses de ce genre. Ça ne faisait pas partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba de faire ça. Wa aydan, fa'inna al-makan al-lazi kana al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli fihi bil-madinati al-nabawiyya da'iman, lam yakun ahadun min al-salaf yastalimuhu wa la yuqabbiruhu wa la al-mawdi' al-lazi salla fihi bi-makka wa ghayriha. Il dit que l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tout le temps à Médine, de même que à Mecca, les salafs ils n'allaient pas là-bas pour le toucher ou pour l'embrasser. Ça, ces gens-là qui font ça, c'est des gens qui ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ يَطَأُهُ بِقَدَمَيْهِ الْكَرِيمَتَيْنِ ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il dit que l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché avec ses deux pieds et où il a dormi ou des choses de ce genre, c'est pas permis, ça n'a pas été ordonné par la charia de le toucher ou de le frotter ou de l'embrasser. Donc, toute autre personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un homme pieux ou un homme saint qui est venu par la suite, eh ben, encore pire, pour lui ce n'est pas du tout non plus ordonné de le faire pour l'endroit où il a marché ou l'endroit où il a dormi ou des choses de ce genre. Parce qu'il y a des gens, parmi des gens de Bid'a qui, lorsqu'ils ont suivi un cheikh d'une fariqa ou d'une voie comme ça de soufia, ils croient que l'endroit où leur cheikh a dormi ou l'endroit où leur cheikh a, ou bien s'il avait une canne ou un bâton, il croit que le bâton a une baraka ou des choses comme ça. Et il y a un Québécois, une fois qu'il s'était converti à l'islam, et puis il était parti dans une mosquée des soufis parce qu'il s'était converti avec eux, puis un moment donné ils ont trouvé une canne de leur cheikh, soi-disant dans une boîte. Et là ils ont dit, on a trouvé la canne du cheikh. Donc lui il est remonté, il a dit ça à un d'entre eux, ils ont trouvé la canne du cheikh. Donc l'autre il a couru, il est allé, quoi, ils ont trouvé la canne du cheikh, il a couru, il est allé, il a commencé à embrasser la canne et tout ça. Donc ça c'est des exemples, il y a de ces gens-là qui prennent des barakas dans les objets, dans les choses, et ça fait partie des bid'as, ça fait pas partie de l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour faire l'adhan, puis il nous reste encore une page et demie, donc si vous voulez on pourra peut-être compléter après la salat. Puis on aura terminé le livre après, Inch'Allah. Ok. Donc, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh il continue, il dit البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة. لأن الأصل في العبادات التوقيف. فلا يشرع شيء منها إلا بدليل. وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة. بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc le cheikh dit que les bid'ah qui ont été inventées dans les choses de l'adoration dans notre époque sont nombreuses, et la base dans les adorations c'est qu'on doit s'arrêter au texte. Hein? On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit des adorations, excepté avec une preuve. S'il n'y a pas de preuve, donc on ne doit pas le faire, c'est une innovation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا. Il y en a beaucoup de ibadat actuellement qui sont pratiquées et qui n'ont pas aucune preuve pour les supporter. Et elles sont nombreuses et le chef il en mentionne une série. Il dit منها الجهر بالنية للصلاة. De prononcer l'intention de la prière à haute voix avant de commencer. Beaucoup de gens avant de prier, ils disent à haute voix, je prie par exemple 4 rak'ah, salat fard, salat al-asr, vers la qibla pour Allah, etc. Ça, vous trouvez ça beaucoup chez les, pas les soufis, chez les ahnaf, les gens, les turcs, les pakistanais, les gens de ce genre, et même parmi d'autres madahib. Ils mentionnent leur niya, leur intention à haute voix. Et ça, c'est bid'ah. Cheikh dit, بأن يقال, نويت أن أصلي لله كذا وكذا, هذا bid'ah. Que j'ai l'intention de prier telle ou telle prière pour Allah, ça c'est bid'ah. لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Est-ce que vous allez dire à Allah, vous allez apprendre à Allah votre religion, hein, alors qu'il sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et qu'il sait toutes choses. وَالنِّيَّ مَحَلُّهَا الْقَلْبِ فَهِيَ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ لَا عَمَلُ اللِّسَانِ. Ça veut dire, l'intention, c'est un acte du cœur. C'est dans le cœur l'intention. Et ça n'a rien à voir avec les actions du corps. D'accord? Et ça n'a pas rapport avec l'action de la langue non plus. Donc c'est ça le point. Donc si tu veux faire une adoration, tu n'as pas besoin de mentionner à haute voix l'intention. منها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا. On a parlé de ça déjà. Le fait qu'après la salat, des gens font l'imam fait un dua et puis tout le monde répète. Amin, amin. Ça c'est une bid'a. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne faisait pas ça après la prière. منها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء وللأموات. Hein, de chercher, de demander à lire la Fatiha dans certaines occasions, ou par exemple pour les morts, ou pour un mariage, ou pour des raisons comme ça. Hein, les gens, même au Maroc, je pense, dans certains pays, ils appellent le mariage Fatiha, on va faire le Fatiha. Hein, puis ça, c'est pas sunnah de réciter le Fatiha pour des occasions comme ça. Aussi, les soufis, parfois, ils font ça. Ils s'assoient, puis ils récitent al-Fatiha, pour une raison. Et même, il y en a qui récitent le Coran, puis à un moment donné, ils commencent à dire al-Fatiha, et ils commencent à dire, ils récitent al-Fatiha. Donc ça, c'est pas sunna de faire ça. Pour ces, dans ces moments-là. ومنها إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة والاستئجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العذاب وأن ذلك ينفع الميت وكل ذلك بدعة لا أصل له وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font quand il y a une personne qui meurt, ils font une sorte de, ils se rassemblent, puis ils font de la nourriture, puis ils louent les services de certains réciteurs du Coran pour lire le Coran, etc. Et il croit que ça a fait du bien pour la personne qui est morte. Il dit ça c'est une bid'ah, il n'y a pas de base là-dedans, il n'y a pas de base à ce sujet-là dans la sunna ni dans le Coran. Et donc ça c'est quelque chose qui est pas, Allah n'a révélé aucune preuve à ce sujet-là. منها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع. De fêter les occasions religieuses comme l'Isra et le Mi'raj, le fait que la journée que Allah a fait élever le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'il l'a amené de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis et de Bayt al-Maqdis jusqu'aux cieux, et il y en a qui fêtent cette journée-là. et qui fêtent le Hijra, hein, le jour de l'Hijra, ils prennent ça comme une fête. Et ça, c'est une bid'a. ومن ذلك ما يفعل ما يفعل في شهر رجب كالعمرة الرجبية وما يفعل فيه من العبادات الخاصة كالتطوع بالصلاة والصيام فيه فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. Donc le cheikh il parle des bid'ah qui sont faites dans le mois de Rajab. Il y en a qui croient que c'est bon de faire le Umrah dans ce mois-là et de faire certaines adorations comme de faire des prières et de faire le jeûne et des choses de ce genre. Hein? Et ça, il n'y a aucune particularité pour ce mois-là par rapport aux autres mois. Ou pour le Umrah, de faire le Umrah ou le jeûne ou de faire la prière ou de sacrifier des bêtes dans ce mois-là, il n'y a pas rien de prouvé là-dessus, à ce sujet-là. كلها بدع ومحدثات لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في سيرها وهيئاتها وأوقاتها. Le fait de faire des أذكار comme les soufis, toutes ces sortes de bid'a, de dhikr qu'ils font eux, sont toutes des innovations et elles sont contraires aux أذكار qui sont référées et qui sont basées dans la sharia. D'accord, dans leur façon, dans leur forme, dans leur temps, hein, ils les font à des temps spécifiques et tout. La plupart du temps, c'est toutes des bid'a qu'ils font. ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام يوم بيوم النصف من شعبان بصيام. Il y en a qui prennent la nuit du milieu du mois de Sha'ban, ils l'utilisent pour faire des prières la nuit et le jour ils jeûnent. Et ça n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça n'a rien à voir avec la sunna. Et le cheikh dit ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية وزيارة النساء لها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Le cheikh il dit que de même que de construire sur les tombes et de prendre les tombes comme les cimetières comme des mosquées, des endroits d'adoration, et de les visiter dans le but de chercher la baraka et de faire le tawassul, hein, par les morts. Tout ça, c'est des choses qui amènent au shirk ou qui sont du shirk. Et le fait de laisser les femmes visiter les tombes, le shirk dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes et qui mettent des chandelles sur les tombes, et etc. Donc ça c'est interdit. Et le cheikh dit وَخِتَامًا نَقُولُ إِنَّ الْبِدْعَ بَرِيدُ الْكُفْرُ وَهِيَ زِيَادَةُ دِينٍ لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَالْبِدْعَةُ شَرٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ وَالشَّيْطَانُ يَفْرَحُ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا يَفْرَحُ بِالْمَعَاصِي الْكَبِيرَةِ لِأَنَّ الْعَاصِي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب يتوب منها والمبتدع يفعل البدعة ويعتقدها دينا ويتقرب به إلى الله فلا يتوب منها والبدعة تقضي على السنن وتكره على أصحابها فعل السنن وأهل السنة والبدعة نعم. أفضل الشيخ الزوال بدعة تباعد عن الله وتجيب غضبه وعقابه وتسبب زير القلوب وفسادها. Donc le cheikh il dit, et pour terminer, on dit que la bid'a, c'est le messager de la mécréance. Parce que c'est un ajout à la religion qu'Allah n'a pas révélé. Et que également son messager n'a pas révélé. D'accord, c'est comme si tu dis que Allah n'a pas envoyé la religion complète, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien transmis son message. Et la bid'a est pire que le péché, parce que le péché, le shaitan, la bid'a, le shaitan est plus heureux quand il voit les gens la faire que le péché. Parce que le péché, quand tu le fais, tu peux te repentir, tandis que la bid'a, tu l'as fait puis tu crois que tu te rapproches à Allah. Donc tu ne vas pas te repentir de faire quelque chose qui te rapproche à Allah. Donc c'est très dangereux à cause de ça. Et lorsque tu fais la bid'a, tu commences à abandonner la sunnah. Et tu commences à détester les formes de sunnah et les gens qui suivent la sunnah. Donc la bid'a est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle amène la colère et le châtiment d'Allah. Et elle cause l'égarement du cœur et la corruption du cœur. Puis cinquièmement, le cheikh dit, « Ma yu'amalu bihi al-mubtadi'a » Comment on doit agir avec les mubtadi'a? Le cheikh dit, « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Il dit, « Tuhramu ziyaratu al-mubtadi'a wa mujalasatuhu illa ala wajhi al-nasihati lahu wal-inkar alayhi li'anna mukhalatatahu تؤثر على مخالطته على مخالطه شرا وتنشر عداوه او عدوانه او عدواه الى غيره. Donc le chef lui dit, c'est interdit de visiter le mubtadi' et de s'asseoir avec lui, excepté si tu le fais dans le but de lui donner le bon conseil ou dans le but de réfuter ou de dénoncer ce qu'il fait. Parce que le fait de t'asseoir avec lui et de te mélanger avec lui, ça va t'amener à être affecté par sa bid'a. Et ça peut même amener à d'autres choses également. Ça peut t'amener à faire d'autres choses également qui vont t'amener à la bid'a. Et donc le cheikh il dit après, « ويجب التحذير منهم ومن شرهم » إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدعة وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدعة والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم من شرهم لأن خطرهم على الإسلام شديد. Le cheikh dit, c'est obligatoire d'avertir contre eux et contre le mal qu'ils transmettent, et s'il est possible de les arrêter, de les prendre et de les arrêter par la force, il faut le faire. Et donc il dit c'est obligatoire pour les savants de l'islam et les dirigeants des musulmans de les empêcher. Hein, les responsables des musulmans ils doivent interdire les innovations et les arrêter par la force si c'est nécessaire et de repousser le mal qu'ils transmettent car leur danger est grand contre l'islam. Après il dit, ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدع على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق لأن في ذلك قضاء على الإسلام وتشويه صورته. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire de savoir également que les pays de kufr, ils encouragent les gens de bid'ah. Et ils les encouragent à répandre leur bid'a, parce que ça les aide, hein, et ils aident les gens de bid'a de toutes sortes de façons. Et pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils veulent détruire l'islam, et que ça aide à salir l'image de l'islam, quand les gens font des bid'a comme ça. Hein. Donc ça vient à leur aide. Quand ils voient des gens qui font des actes de terrorisme, ou qui se cassent la tête avec des couteaux, hein, comme les certains soufis, ouais, les chiens, ouais, les rafidhas et d'autres. Ils montrent ça à la télé, les gens voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ça c'est des religions de fous. Tout de suite les gens disent, ah, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Hein? Parce qu'ils savent que ça aide à salir l'image de l'islam. Et ça c'est pour ça que tous les gens de Bida, ils rêvent de venir ici et ils aiment venir ici. D'accord? Et eux, les koufars, ils les aident. Hein? Il y a combien de sectes là qui viennent ici, ils disent, nous dans nos pays, on n'a pas la liberté de religion. Alors ils viennent ici, dans le pays de Kufr, et là le gouvernement leur donne la liberté, ils disent, oui, allez-y, répandez vos religions comme vous voulez. Donc ça c'est l'égarement. Donc le cheikh dit, nasa Allah Azza wa Jal an yansura dinahu wa yu'li kalimatahu wa yakhzul a'da'ahu sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alayhi wa sahbihi. Donc il dit, on demande à Allah de donner la victoire à sa religion et d'élever sa parole et d'humilier les ennemis de l'islam et les ennemis d'Allah, et paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc alhamdoulilah, on a terminé le livre. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ce livre, puis c'est aujourd'hui alhamdoulilah qu'on a terminé. Donc on remercie Allah, alhamdoulilah, ça a été, comme je disais à Mokhtar, ça a été un beau voyage à travers ce livre. Et puis là, ben, je dois décider jusqu'à la semaine prochaine pour décider quel livre on va faire maintenant, quel nouveau livre. Donc je suis pas encore certain, mais